Mardi, je l'ai reçue dernière. Et comme par hasard, ce matin, je reçois une de plus tôt. Donc, qu'il passe gaffe ou qu'il envoie le courrier parce que les enveloppes ont été. Donc, ça a lieu le 31 mai, c'est un grand bal costumé à la Cité Carnot, dîner-spectacle, soirée sodo. Donc, il y a des tarifs, GG vous tripote la nouille pour 10 balles. Oh, non, mais t'as raison, mais dis ça. Non, mais dis ça devant des millions d'auditeurs, espèce de con. Demi-tarif pour les routiers. T'es minable, hein. Branlette avec gants de toilette, 200 balles. Pipe plus toast au caviar, 2000. Glaçon dans le slip, 100 balles. Bite au cirage, 50 balles. GG sodo plus assiette anglaise, 500 balles. GG la nuit plus une part de tarte aux pommes, 12 000 balles. Ils sont fous les mecs. Non mais... Soda avec bouteille de champagne plus compote, pomme banane pour 5 000 balles. Et pour le gagnant du grand concours, kiss fucking avec tonton Bip. Donc voilà, donc il y a tous les tarifs. Et donc il faut venir costumé bien sûr. Donc vous connaissez l'adresse, hein, j'ai pas besoin de la rappeler. Ah si. Ah ben, t'as raison toi, parce que le jour que j'ai la tienne, je la balance sur l'antenne. Alors fais bien gaffe aussi toi là-bas. Je l'ai passé moi. J'ai... Ouais, ben tu vas voir, tu vas passer avec un coup de bombe lacrymogène. Bien joué Gérard. Voilà. Là, toujours dans la délicatesse. T'inquiète pas, lui, gueule d'amour, de manière qu'il fasse gaffe à ce qu'il fait, parce qu'il va être mal barré lui aussi. Voilà. Il va se retrouver comme les autres là. Mais ça se trouve, gueule d'amour, fesse de bobin, tout ça, c'est tes copains, ils viennent chez toi et tu t'en rends même pas compte. Je l'avais déjà dit ça. Déjà, en plus, ils s'amusent à poster des courriers les mêmes que tu reçois. Mmh. Alors, un coup, c'est posté de Paris, un coup, c'est posté d'Anière, plutôt. Ça se faut savoir où il habite, le mec. Et en plus, c'est moi, gueule d'amour. Il y en a un qui se fait passer pour Christian de la Seine-Saint-Cloud aussi.